إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra. Et Alhamdulillah, on reprend à partir de là où on a laissé au dernier cours. Et on est en train d'expliquer maintenant les paroles de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il est en train de montrer et de clarifier comment les khalafs, c'est impossible qu'il soit comparé au salaf salih. C'est impossible qu'il soit comparé au salaf dans leur ilm, dans leur science, dans leur compréhension, dans leur piété et dans tous les différents aspects de l'islam. On peut jamais les comparer et on ne peut jamais les égaler. Et ils sont les plus savants dans la religion. Et en même temps, ils sont également les plus sages, les plus justes et les gens qui sont le plus proches de la sûreté en même temps. Et donc ça répond à ceux qui prétendent que les khalafs ont plus de science au sujet de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms ou de ses attributs, que les salafs salih. Donc ça, c'est un grave mensonge, et on a montré la réponse à ces choses-là dans les cours précédents. Et dans qu'est-ce qu'on a lu au dernier cours, on expliquait que, et après avoir mentionné que les gens de Kalam, avant leur mort, ils avaient toujours des remords et ils avaient toujours des doutes avant la mort, et on a expliqué par la suite comment ces gens-là pourraient prétendre avoir plus de connaissances ou plus de compréhension que les salafs salih. Et donc le cheikh, il est en train de continuer sur cette même ligne, à clarifier, à expliquer ce point-là. Donc il dit maintenant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, am kayfa yakunu afrahu al-mutafalsifa wa atba'u al-hind wal-yunan wa warathatu al-majusi wal-mushrikin وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. Donc le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et donc comment pourrait-il être possible que les enfants ou les élèves des philosophes, ceux qui ont étudié avec les philosophes et ceux qui ont suivi les philosophes de l'Inde et des Grecs, et les héritiers des Majus et des Mushrikin, et des égarés parmi les Juifs et les Chrétiens, et les Sabi'in, les adorateurs d'étoiles, les adorateurs de constellations et d'idoles, comment pourraient-ils, dans leur catégorie, et dans toutes ces différentes sortes de groupes d'égarements, qui ressemblent à ceux-là, comment pourraient-ils, eux, être plus savants à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que les héritiers des prophètes, que les gens du Coran et de la foi? Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il a deux commentaires à propos de ce passage. Le premier commentaire à propos des élèves et des petits, ceux qui ont appris des philosophes de l'Inde et de l'Égypte, de l'Inde et de la Grèce, et des héritiers des Majus et des Mushrikines. Donc il explique, il dit Al-Afrah Jamru Farh Wahum تلاميذ الفلاسفة الذين يدعون الحكمة والمعرفة دون أن يرجعوا إلى الوحي ولا إلى أتباع الرسل وإنما يزعمون أنهم أفضل من الرسل وأعرف من الرسل وأغلبهم في اليونان يزعمون أنهم أفضل من الرسل وأعرف من الرسل وأغلبهم في اليونان الدولة القديمة الذين تتلمذوا عليهم هم أفراخهم مثل أفراخ الطيور حيث تتلمذوا عليهم في أوكارهم وفي مدارسهم وورثوا عنهم الجهل والأفكار الخبيثة المنحرفة واستغنوا بذلك عن اتباع الرسل والعياذ بالله. Donc le Cheikh il explique, le Cheikh Al-Fawzan il dit, le terme Afrah que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne dans ce passage, eh bien c'est le pluriel du mot farh, c'est le pluriel du mot farh. Afrah, c'est le pluriel du mot farh. Et si tu le traduis littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les poussins ou les petits, les petits. Et c'est pour des oiseaux. Il y en a les petits des oiseaux. Lorsqu'ils ont des petits, on les appelle farh. Et c'est comme ça qu'ils nomment les élèves des philosophes, ceux qui prétendent posséder la sagesse et la connaissance. Sans revenir dans cette connaissance, sans revenir à la révélation, et sans suivre les messagers ou ceux qui ont suivi les messagers. Donc ils prétendent à la science et à la sagesse, mais sans devoir revenir à la révélation ou à ceux qui ont suivi les messagers. Et donc ces philosophes-là, c'est les gens qui prennent leur science de leur logique, de leur propre raison ou des choses comme ça. Et beaucoup des soufis ont été influencés par ce genre de philosophes-là par la suite. C'est pour ça qu'ils prétendent à la sagesse et c'est pour ça qu'ils prétendent également qu'ils n'ont pas besoin de revenir à la révélation pour comprendre la religion ou pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent qu'ils peuvent connaître Allah subhanahu wa ta'ala directement. Donc ça c'est des exemples. Et il dit wa innama yaz'umuna annahum afdalu min ar-rusul wa a'rafu min ar-rusul. Donc ils prétendent qu'ils sont meilleurs que les messagers et qu'ils connaissent plus que les messagers. Et ça on retrouve aussi chez les soufis qui ont suivi ces philosophes-là, et aussi chez ceux qui se disent des philosophes soi-disant en guillemets islamistes, les philosophes islamiques comme Ibn Sina, Al-Farabi et d'autres également qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ibn Sina et Al-Farabi n'ont rien à voir avec l'islam, et comme Cheikh Mohamed Aman il disait souvent, il dit entre ces philosophes grecs et hindous et autres et les philosophes soi-disant islamiques, eh bien, la seule différence, c'est l'origine. Mais sinon, ils sont sur la même mécréance et la même égarement. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Il dit, « Wa aghlabuhum fil yunan » La plupart d'entre eux, c'était chez les Grecs, dans la Grèce antique. Il dit, « Et c'est ceux qui ont étudié chez chez ces gens-là, chez ces philosophes-là, on les appelle donc leurs petits ou bien leurs élèves. On les appelle afrah. Pourquoi? C'est comme s'ils étaient les bébés pour des oiseaux. Ils ont grandi chez eux dans leur nid. Ils ont étudié chez eux dans leur nid, dans leurs écoles. Et ils ont hérité d'eux l'ignorance et les pensées mauvaises et déviées qu'ils ont héritées, et ils se sont passés ils ont cru qu'ils pouvaient se passer de suivre ceux qui ont suivi les messagers, wal'iyadu billah. الشيخ يلزم ensuite والفلاسفة يكونون من اليونان ويكونون من الهند فالهند دولة القديمة فيها فلاسفة والمجوس عباد النيران والمشركون الذين يعبدون الأصنام وليس لهم كتاب ولا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل. Le cheikh, il dit, les philosophes, ils peuvent être d'origine grecque ou ils peuvent être à l'origine chez les hindous également, puisque l'Inde, c'est un pays ancien, c'est un pays ou un état très vieux, très ancien, et il y avait dans ce pays-là des philosophes aussi. Et également les majus, hein, ceux qui adoraient le feu. Et les mushrikoun, bien on sait qui ils sont, ce sont les adorateurs des idoles et tous ceux qui adorent d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils n'ont pas de livre et ils ne croient pas en des livres ni en des messagers. Donc les mushrikoun en général, c'est comme ça. Ensuite, il explique la deuxième partie, la partie où le cheikh a parlé également des égarés parmi les juifs et les chrétiens et les sabi'in, et les gens de ces catégories-là ou ceux qui leur ressemblent. Ils pensent qu'eux sont plus savants que les héritiers des prophètes, les gens du Coran et de la foi. Donc le cheikh, il mentionne ici, cheikh Al-Fawzan, il dit « Amma al-Yahoud wal-Nasara, fahum ahlu kitab ». وهم على قسمين القسم الأول قسم آمنوا بالله ورسله واستقاموا على طاعة الله ومنهم من مات قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو مستقيم مؤمن بالأنبياء. Donc il dit, en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, ils sont des gens du livre. Ils sont divisés en deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Et ils ont été droits sur l'obéissance d'Allah. Parmi eux, hein, il y en a aussi qui sont morts avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient sur la droiture, sur le droit chemin et qui croyaient en les messagers. وَمِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam وَآمَنَ وَحَازَ عَلَى الْأَجْرَيْنِ أجر اتباع الرسل وأجر اتباع يعني محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الحديد هذه في النصارى واليهود ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون سورة آل عمران وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا هؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب. Donc, le cheikh, il explique qu'il y en a également parmi les gens du livre qui ont été vivants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui. Et donc, ceux-là, ceux qui ont vécu jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ceux-là, ils auront deux récompenses. La récompense d'avoir suivi leur messager précédent, et la récompense d'avoir suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il mentionne le verset 28 dans surat al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, croyez en ses messagers, ô vous qui avez cru, craignez Allah, hein, et croyez en ses messagers, il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Deux parts de sa miséricorde, dans le sens que, yani, ils auront la récompense pour avoir suivi leur messager précédent et le messager de l'islam, le messager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pour les chrétiens. Et le cheikh dit que pour les juifs, hein, la suite du verset, et il vous donnera une lumière sur laquelle vous marcherez, et il vous pardonnera. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ce verset-là, le verset 28, dans Surat Al-Hadid, eh bien, il explique la récompense qui est mentionnée pour ceux qui, parmi les gens du livre, acceptent l'islam, et qu'ils auront le double de la récompense. Ensuite, le verset 113 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne certaines choses à propos des gens du livre qui ont cru en l'islam, qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est venu avec la révélation. Donc il dit, mais ils ne sont pas tous pareils, il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Amen. Donc ça, c'est un exemple de ce genre de verset, le verset 113 dans Surat Al-Imran, et il y a aussi le verset 199 dans Surat Al-Imran aussi, qui parle aussi de que le cheikh a cité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, ils ne vendent pas les versets d'Allah à vil prix. Donc ça, c'est ceux qui ont cru en l'islam, ou bien ceux qui ont cru à leur prophète avant la venue du prophète de l'islam. Donc ça, c'est ceux qui, parmi les gens du livre, ont cru en leur prophète correctement, qui n'ont pas déformé la religion avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ceux qui sont après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont accepté l'islam par la suite, comme Al-Najashi et Abdullah ibn Salam et d'autres également, parmi les juifs et les chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il parle de ces questions-là et de ces versets-là dans son livre Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih, la réponse correcte ou authentique par rapport à celui qui a changé la religion du Messie, la religion de Isa. Donc, dans ce livre-là, il explique ces versets-là en détail et il clarifie la signification de ces versets en détail. Donc, pour ceux qui veulent y retourner. Donc, ceux qui ont cru en leur messager à l'époque de ces messagers-là, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en ces messagers-là correctement, qui ont été sur le tawhid, et qui n'ont pas déformé la religion ou falsifié la croyance, et qui ont suivi le message authentique que ces messagers-là avaient ramené, eh bien ceux-là sont des vrais croyants. Et ceux qui, une fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, ont entendu parler de lui et ont cru en lui, eh bien ceux-là, ils sont des croyants, sont des musulmans aussi. Et toutefois, si après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils entendent parler de lui et ils n'acceptent pas de croire en lui, eh bien, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou autres, dans ce cas-là, ce sont des kuffars, ce ne sont pas des croyants. Ensuite, la deuxième catégorie de ceux qui sont mentionnés, le cheikh il dit, wa al-qism al-thani alladhina kafaru bir-rusul min ahli al-kitab wa ghayyaru at-tawrat wal-injil wa harrafu wa baddalu. Wa hadha ghalibu ahli al-kitab min al-yahud wan-nasara. Donc ça c'est la deuxième catégorie dont j'ai parlé. La deuxième catégorie des gens du livre, ce sont ceux qui ont mécru en les messagers parmi les gens du livre, soit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien soit en Isa, comme les juifs, ils ont rejeté la foi en Jésus, et en Torah, et ils ont rejeté la foi, les juifs ont rejeté la foi en Jésus et en Al-Injil, et les chrétiens ont rejeté la foi en Al-Qur'an et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après, à ce moment-là, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il refuse d'y croire, il refuse de croire en le Coran, et bien dans ce cas-là, ils sont pas parmi les croyants, ils sont parmi les mécréants. Et aussi, s'ils ont été parmi ceux qui ont falsifié la religion des messagers avant, et qui ont déformé le sens du message des prophètes et des messagers avant, ou qui ont cru en des croyances contraires à ce que les messagers ont enseigné avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ceux-là sont aussi parmi les mécréants. Et ceux-là, c'est la majorité des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens. D'accord? Donc, il y en a qui pensent que quand on dit les gens du livre, ça veut dire qu'ils sont croyants. Pas du tout. Hein? Ça veut dire les gens qui prétendent suivre le livre. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'ils le suivent correctement, ou ça ne veut pas dire que le livre qu'ils ont est authentique. Leur livre a été falsifié. Mais il reste encore parfois des traces de vérité dedans. Le cheikh il dit ensuite: والصابئون قيل إنهم جماعة من النصارى وقيل إنهم هم الذين لا دين لهم قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هذه هي الديانات الست منهم الصابئون والصابئ في الأصل هو الذي يخرج عن الدين يقال صبأ إذا خرج عن دينه والصابئون هم الذين خرجوا عن ديانة الرسل وقيل إن الصابئين على قسمين صابئون موحدون وصابئون كفار وهذا هو الظاهر فهناك من الصابئين أهل إيمان وهم طائفة من أهل الكتاب فكيف تكون هذه الطوائف أعلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله من السلف من سلف الأمة donc le cheikh il dit qu'il y a un autre groupe aussi qui est mentionné dans les groupes que Cheikh l'Islam a mentionné, c'est As-Sabi'un. Et As-Sabi'un, certains ont dit que c'était un groupe parmi les chrétiens. D'autres ont dit que ce sont des gens qui n'ont pas de religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 17 dans sourate Al-Hajj, ceux qui ont cru et ceux qui ont fait partie des juifs, ceux qui ont été parmi les juifs, les sabi'in, les chrétiens et les majus, et ceux qui ont associé, ceux qui ont fait le shirk. Donc le cheikh dit ça c'est les six religions. Parmi eux il y a les sabi'un. Et en arabe, as-sabi, à la base, c'est celui qui sort de la religion. On dit saba'a. Lorsque quelqu'un sort de sa religion, on dit de lui saba'a. Donc, as-sabi'un, ce sont ceux qui sont sortis de la religion des messagers. As-sabi'un, ce sont ceux qui sont sortis de la religion des messagers. Et on dit également que les sabi'un sont de deux catégories. Les sabi'un qui sont muwahidun, c'est-à-dire qui unifient Allah, qui sont sur le tawhid, et des sabi'un qui sont kuffar. Et ça, c'est ce qui est en apparence. Et il y en a parmi les sabi'un aussi qui ont de la foi. Donc il dit, il y en a parmi les sabi'un qui avaient de la foi. Et ce sont un groupe d'entre les gens du livre. Donc, le cheikh, il dit, comment ces groupes-là qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire les Grecs et les Hindous, et également les chrétiens et les Juifs, et les Majus et les Sabi'in, comment ces gens-là pourraient-ils être plus savants à propos d'Allah, de son livre et de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, que les salafs de la Ummah? Ça, c'est pas possible. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit « Innama qaddamtu hadhihi al-muqaddima li'anna man istaqarrat hadhihi al-muqaddimatu indahu alima tariq al-huda ayna huwa fi hadha al-bab wa ghayrihi wa innama qaddamtu hadhihi al-muqaddima li'anna man istaqarrat hadhihi al-muqaddimatu indahu alima tariq al-huda أين هو في هذا الباب وغيره. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il mentionne ici la raison pour laquelle il a écrit cette introduction là depuis le début du livre jusqu'à maintenant. Et il explique que ça c'était une introduction qu'il a mis à sa réponse au sujet des noms et des attributs d'Allah et au sujet de Al-Ulu et de Al-Istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création et au-dessus de son trône. Il a mentionné tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a lu depuis le début, il l'a mentionné pour clarifier des bases et pour détruire les bases des gens de Kalam. Hein, parce que les gens de Kalam se basent sur ça pour établir leur shubuhat. Hein. Puisque c'est pas possible que tu, par exemple, tu dises que yani, tu prétends faire partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, par exemple, et pourtant tu suis une voie qui n'a pas été suivie par les salaf al-salih. Hein? Et tu prétends, par exemple, suivre la aqida des Asha'ira ou des Maturidiyya ou des autres groupes d'égarements, et tu te prétends suivre les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est une contradiction. Puisque ces gens-là sont venus après les salaf. Et ils ont inventé des croyances et des idées et des principes que les salafs n'ont jamais eu et que les salafs n'ont jamais connu et que les salafs n'ont jamais accepté et que les salafs même ont réfuté parfois. Donc, comment ces gens-là pourraient-ils prétendre être parmi les gens d'Ahl Sunnah et Wal Jama'a? Donc, ça implique soit deux choses. Soit qu'ils sont plus savants que les salafs, ça c'est une insulte envers les salafs, s'ils prétendent être plus savants qu'eux, puisque c'est pas possible, puisqu'ils étaient avec les sahaba, puisque les sahaba étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pour les sahaba, et les tabi'in étaient avec les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont appris la religion directement de sa source, donc de les traiter, de dire qu'ils sont moins savants, que les salafs sont moins savants que les khalafs, eh bien, c'est de les insulter, et de les traiter d'ignorants, et de les rabaisser, et d'élever les salafs, et d'élever les khalafs sur eux. Donc ça, c'est très grave de faire ça. Et également, c'est comme, comme on a expliqué, c'est comme si on prétend que les khalafs avaient plus de connaissances, plus de compréhension qu'eux, et ça c'est de l'injustice. Et on a déjà répondu à tous ces points-là, comment Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a réfuté cette choubha dans cette introduction-là. Cheikh Al-Fawzan il dit « Aslu hadha al-kitab jawabun an su'al sa'alahu bi qawlihi ma yakulu al-ulama fi asma'illahi wa sifatihi » فهل قبل أن يجيب السائل فهو قبل أن يجيب السائل قدم هذه المقدمة المسمى بمقدمة الحموية وهي مقدمة عظيمة كان طلبة العلم يهتمون بها ويحفظونها لما فيها من القواعد الواضحة التي ينتفع بها طالب العلم ويميز بين علم السلف وعلم الخلف. إن طريق الهدى هو ما كان عليه سلف هذه الأمة وإن طريق الضلال هو ما كان عليه غالب الخلف. Donc Ibn Taymiyyah il dit que j'ai uniquement commencé par cette introduction là parce que celui chez qui cette introduction là a été bien comprise et qu'elle est bien établie chez lui, eh bien il aura, par cette introduction-là, avec lui, la connaissance de la voie de la guidance. Et il saura reconnaître où se trouve la guidance dans cette question et dans d'autres questions de la religion également. Il va savoir que où est-ce que se trouve la guidance et comment la reconnaître dans la question des noms et des attributs d'Allah et dans les autres questions de la religion aussi. Ensuite, donc Cheikh Al-Fawzan il dit à la base, on a dit que ce livre c'était une réponse à une question que les gens lui avaient posée, les gens de la ville de Hama. Et c'est pour ça qu'on a appelé le livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et la question qu'on lui avait posée c'était: qu'est-ce que disent les savants à propos des noms et des attributs? Et donc, le cheikh, avant de répondre à cette question, il a voulu établir une introduction. Et cette introduction-là, on l'appelle Muqaddimatul Hamawiyya, c'est-à-dire l'introduction de Al-Hamawiyya. Et c'est une grande introduction. Et il dit que, avant les étudiants en sciences, il donnait à cette introduction-là une grande importance et même qu'il la mémorisait par cœur. Donc, tout ce qu'on a lu depuis le début dans Al-Hamawiyya, les étudiants, ils le mémorisaient par cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette introduction-là des règles claires avec lesquelles l'étudiant en sciences islamiques peut yani, trouver un grand bienfait et beaucoup de bénéfices. Et il va être capable, par ces principes-là, yani, de distinguer entre la science des salafs et la science des khalafs. Et il va trouver par cette voie-là la voie de la guidance. Hein? Et il va savoir que la voie de la guidance, c'est ce sur quoi se trouvaient les salafs de cette umma. Et que la voie de l'égarement, c'est ce sur quoi se tient la majorité des khalafs. Hein? C'est la voie de l'égarement. Donc, alhamdoulillah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je dis, si les khalafs ont ramené quelque chose que les salafs n'ont pas compris, ou n'ont pas connu, plutôt, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que, on n'a pas besoin de cette connaissance-là pour connaître la vérité, puisque les salafs connaissaient mieux la vérité que ceux qui sont venus après eux. Donc, on ne peut pas prétendre que la vérité, c'est de suivre une compréhension de l'islam qui est apparue uniquement 300 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme chez les chrétiens, par exemple, quand on dit, par exemple, que la religion chrétienne, hein, comme la religion catholique, par exemple, officielle, elle est apparue 325 ans après Jésus, durant le concile de Nicée. Hein? Eh bien, ça c'est pour dire que pendant 325 ans, les gens n'ont pas connu le message de Isa, alayhi salam, et c'est juste quand Constantin est apparu que, tout d'un coup, le christianisme est apparu. Donc, c'est-à-dire il y a 300 ans entre la naissance du christianisme et le temps où Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa aux cieux. Et ça, c'est absurde. Hein? Et la même chose pour ces gens-là aujourd'hui qui prétendent que la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est de suivre Abu al-Hassan al-Ash'ari ou de suivre al-Maturidi, qui sont nés 300 ans après, ou qui ont commencé leur secte, ou leur croyance, leur fausse croyance, 300 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'avant ça, il y a eu des générations de sahaba, de tabi'in, de tabi'in, qui ont défendu la aqidah du tawhid, qui ont défendu les noms et les attributs d'Allah, contre les Jahmiyyah, contre les Mu'tazila, et qui ont affirmé les attributs d'Allah, et qui ont établi les bases de la aqidah d'Ahl al-Sunnah, avant même que Abu al-Hassan al-Ash'ari soit né. Donc, de prétendre que ces gens-là, c'est eux qui détiennent la vérité à propos des noms et des attributs d'Allah, avec les règles qu'ils ont inventées, qui sont tirées des philosophes grecs, et des philosophes de l'Inde, et d'autres, de ramener ce genre d'idées-là, c'est complètement absurde. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens à l'égarement par la suite. Et c'est ça qui, par la suite, va essayer de leur faire défendre la bid'a. Et va essayer de les amener à défendre l'idée que on n'a pas besoin de suivre les salafs. Ou bien qu'il peut y avoir des bonnes bid'a. Et ils donnent comme exemple leur philosophie et leurs fausses croyances et leurs fausses pratiques. Et c'est pour ça donc que tu trouves qu'ils défendent la bid'a à tout prix. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Puisque qu'est-ce qu'ils suivent, ça ne vient pas des salafs. Hein? Donc, c'est un bon principe pour comprendre ce genre de choses-là. Après, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue sa réponse et sa réfutation. Et il dit « وَعَلِمَ أَنَّ الضَّلَالِ والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. أي نعم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ici, on sait maintenant que l'ignorance et yani l'ignorance et la témérité yani de ces gens-là l'ignorance on sait maintenant que l'égarement et la témérité de ces gens-là a uniquement eu le dessus sur plusieurs d'entre eux parmi ceux qui sont venus après les salafs leur égarement et leur témérité a pris le dessus sur beaucoup d'entre ceux qui sont venus après parce qu'ils ont rejeté le livre d'Allah derrière leur dos et à cause du fait qu'ils se sont détournés de ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils se sont détournés des preuves et de la guidance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont abandonné également la recherche de la voie des prédécesseurs et de ceux qui nous ont précédés et de ceux qui les ont suivis par la suite, donc les sahaba et les tabi'in et ainsi de suite. Et ils ont cherché la science de la connaissance d'Allah de ceux qui n'ont pas connu Allah et qui ont témoigné de ça et déclaré ça pour eux-mêmes ils ont déclaré eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et également la Ummah a témoigné de cela à leur sujet, c'est-à-dire la Ummah a témoigné que ces gens-là n'ont pas de ceux chez qui les gens de Kalam ont essayé de prendre leur connaissance d'Allah. Eh bien, même la Ummah a témoigné de leur ignorance aussi, avec beaucoup de preuves. Avec beaucoup de preuves. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, السبب الذي أوقع المتأخرين في الضلال أنهم نبذوا كتاب الله فلا يستدلون به وإنما يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام وغير ذلك من الاصطلاحات التي اصطلحوها كالجسم والجوهر والعرض والتركيب وغير ذلك من قواعدهم التي يطنطنون بها وهذا ديدنهم. أما من أخذ عقيدته من الكتاب والسنة وعن مذهب السلف فهذا هو الذي يسير على طريق الصحيح. Le Cheikh il dit la cause qui a fait tomber beaucoup d'entre eux, les gens qui sont venus plus tard dans la Ummah, dans l'égarement, la cause qui les a fait tomber dans l'égarement, c'est qu'ils ont rejeté le livre d'Allah derrière leur dos. Donc ils n'utilisent pas le Coran comme une preuve. Ils ne cherchent pas la preuve du Coran pour établir leur croyance, mais ils se basent uniquement sur les règles des philosophes et les règles de la logique ou de la dialectique d'Aristote et des choses de ce genre. Et sur la science de qu'est-ce qu'ils appellent ilm al-kalam, la théologie spéculative qui se base uniquement sur la raison ou sur ce qu'ils appellent la logique grecque pour essayer de découvrir qui est Dieu. Ils laissent le Coran et la révélation de côté et ils disent on va se baser juste sur la raison et sur notre logique pour connaître Dieu de façon soi-disant scientifique comme ils prétendent. Et ça, c'est de l'égarement. Et donc, ils ont inventé des terminologies et ils essaient de les appliquer dans la croyance et dans la aqida pour essayer de déterminer Allah subhanahu wa ta'ala ou définir ce que Allah est ou ce qu'il n'est pas. Donc ils vont dire par exemple le corps, al-jism, al-jawhar, l'essence, al-arb, l'incident, ou bien al-tarkib, hein, la composition ou le composé, des choses comme ça. وغير ذلك من قواعدهم et beaucoup d'autres règles également. Donc quand ils parlent de aqida, tu les trouves ces termes là dans leur livre, dans leur livre de kalam, parce qu'ils ont laissé les preuves du Coran et de la Sunna de côté et ils ne font que ramener ces termes là hein? Ils disent Allah n'est pas un jism, il n'est pas un jawhar, il n'est pas un ard, il n'est pas un tarkib, il n'est pas ci, il n'est pas ça hein? Et ils parlent de cette façon là et ils affirment et ils nient des choses à propos d'Allah sans référence, sans preuve, juste en se basant sur qu'est-ce que les philosophes ont dit, qu'est-ce que Aristote a dit, qu'est-ce que Platon a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre La Métaphysique, qu'est-ce que yani, Philon a dit, qu'est-ce que l'autre a dit, hein, tous ces philosophes qui ont parlé de ces choses-là. Donc ils se réfèrent à ces choses-là. Et ça, c'est de l'égarement. Donc, le cheikh, il dit, ils ont inventé ces règles-là pour eux-mêmes, et c'est de ça qu'ils parlent tout le temps, et c'est autour de ça qu'ils tournent. Ils n'ont pas pris leur croyance du Coran et de la Sunna. Il dit, tandis que celui qui prend sa aqida du livre, hein, du Coran et de la Sunna, et de la compréhension et de la voie des salafs, eh bien ça, c'est celui qui a suivi la bonne voie, hein, et le droit chemin. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alhamdulillah. Mais tu les vois aujourd'hui, ces gens-là, même parmi les gens qui se prétendent islamistes, hein, et prétendent défendre l'islam, vouloir défendre l'islam, ils suivent la voie de ces mutakallimin, de ces gens de kalam. Hein, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui suivaient cette voie-là. Et juste pour donner l'exemple, par exemple, Hassan al-Banna, c'était un Ash'ari, hein, il faisait partie des Ash'aira. Et dans ses livres qu'il a écrits, hein, comme on en a parlé beaucoup de fois, eh bien, pour lui, il considérait ça, c'est cette aqida-là qui était la vérité. Et ceux qui l'ont suivi aussi parmi les gens qui y sont aujourd'hui, eh bien, ils dénigrent les salafs. Hein, ils dénigrent les salafs totalement. Ils n'ont aucun respect pour eux. Hein. Et pour eux, les salafs, ils n'ont rien fait dans la aqida et dans la compréhension de l'islam. Donc, ils se réfèrent aux kuffars pour connaître leur religion. Et même les chrétiens, la théologie chrétienne, elle n'est pas basée sur même sur la Bible falsifiée qu'ils ont. Leur théologie est basée sur les écrits des philosophes. Pas sur les écrits, et même de qu'est-ce qui est dans leur livre. Hein, même si ce livre-là est falsifié, ils ne se basent pas sur le livre du tout. C'est sur les paroles des philosophes qu'ils se basent pour établir leur idées et leurs croyances. Puisque de toute façon, même leur livre qu'ils ont aujourd'hui contredit leurs croyances. Donc ils ne peuvent même pas se baser sur leur livre. Et les gens de Kalam, c'est la même chose. Hein. Ils ont essayé de faire la même chose avec l'islam. Allah al-Musta'an. Donc Cheikh Al-Fawzan, il explique la suite de qu'est-ce que dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, mon but n'est pas de parler d'un d'entre eux en particulier, de mentionner une personne parmi eux, parmi ces gens d'égarement en particulier, mais c'est uniquement de décrire chaque sorte de ces gens-là, chacune des sortes, parmi ces sortes de catégories de gens. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ici. Il dit, « Ana la aqsud wahidan mu'ayyanan, innama aqsud al-majmou'a, wa hakadha talibul ilm. » حينما يرد على الخصوم لا يذكر أسماء معينين وإنما يذكر المذهب والخطأ ويرد عليه من قال كذا من قال كذا وكذا الذي قال كذا وكذا لا يقول فلان والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعين حينما ينتقد بل يقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولا يقول ما بال فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يبين النوع لا يبين العين ولا أشخاص. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ici. Il dit, je ne veux pas dire une personne en particulier. C'est-à-dire, Cheikh Al-Islam, il dit, je ne pense pas ou je ne vise pas une personne en particulier. Mais je vise l'ensemble. Je vise l'ensemble. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est ainsi que le talib ilm, l'étudiant, lorsqu'il fait des réfutations contre des opposants, eh bien, il ne mentionne pas les noms de gens en particulier. Il ne fait que mentionner la voie en général ou l'erreur, hein, et il la réfute. Et il dit, par exemple, celui qui dit telle ou telle chose, ou celui qui dit telle ou telle chose, hein, il ne dit pas un tel, hein, en le citant ou en mentionnant son nom. Il dit parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne désignait pas quelqu'un en particulier quand il faisait une critique. Mais il disait plutôt ma balu aqwamin. Hein? Ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le hadith de Anas. Donc, ma balu aqwamin, c'est-à-dire, qu'est-ce que ces gens-là ont? Pourquoi ils ont fait ça? Hein? Et pourquoi ils ont fait telle ou telle chose? Donc, ou pourquoi ils ont dit telle ou telle chose? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam critiquait des paroles et des actions de certaines personnes, mais il désignait pas la personne en particulier. Il faisait uniquement une critique générale, sans mentionner le nom de la personne, mais il critiquait l'action qui avait été faite. Et donc, le cheikh, il dit, il disait pas, pourquoi un tel a fait ça, mais il disait, qu'est-ce que des gens ont, pourquoi ils ont fait telle ou telle chose. Mais il ne disait pas pourquoi un tel, fils d'un tel, a fait telle ou telle chose. Donc ça, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer et de clarifier la catégorie ou la sorte d'erreur ou la sorte de problème et non pas de mentionner les individus. Hein? Donc là, j'en vois maintenant qui, parmi les gens de Tamir, ils vont se réjouir d'entendre ça. Ils vont dire, ah, tu vois, ça c'est la preuve que les salafis, ils n'ont pas raison de mentionner les noms. Ils ne devraient pas mentionner les noms jamais, parce que ce n'est pas correct. Il faut juste réfuter l'erreur. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Parce qu'alhamdoulilah, le Cheikh Al-Fawzan, il clarifie tous ces points-là clairement et en détail. Il dit le cheikh ensuite, Cheikh Al-Fawzan juste après, il dit illa idha kana ash-shakhs ad-dall qad ihtarra bihi an-nas wa ankhada'u bihi fala budda an yu'ayyan wa yuqal fulan li ajli an ya'rifahu an-nas wa ulama'u al-hadith yadhkuruna al-ashkhas wa yaqulun fulan sayyi'ul hifz fulan kadhdhab فلان وضاع فلان مبتدع لئلا يغتر الناس به فالتعيين إذا اقتضى الأمر والضرورة تعينه فإنه يعين أما إذا لم يقتضي إذا لم يقتضي فالأحسن أن لا يذكر الأشخاص. Donc le cheikh il dit maintenant, il clarifie, il dit il faut absolument, il dit si la personne est un égaré et que les gens ont été trompés par cette personne et que les gens ont été trompés et trahis par cette personne parce qu'ils ont pensé de cette personne-là du bien, hein, et la personne, ils ont pensé que c'était quelqu'un qui était correct, donc ils ont pris part de cette personne, ils ont été trompés par cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un qui appelle à l'égarement, mais il s'est camouflé, ou il s'est montré comme étant quelqu'un correct, eh bien, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, il faut absolument mentionner la personne en particulier, et la désigner directement en disant un tel, hein, pour que les gens le connaissent. Et le cheikh, il dit ensuite que les ulama de hadith, ils mentionnent les individus par leur nom. Et ils disent, un tel, il a une mauvaise mémorisation ou une mauvaise mémoire. Un tel, c'est un menteur. Un tel, il fabrique des hadiths et des mensonges. Hein? Un tel, c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Et ils disent ça pour que les gens ne soient pas trompés par cette personne. Donc, le cheikh, il dit, donc, le fait de désigner un individu, hein, si c'est quelque chose qui est exigé par le sujet ou la cause, et qui est exigé et qui est une nécessité de, yani, c'est nécessaire de désigner cette personne-là par son nom, alors dans ce cas-là, il faut la désigner. Il faut mentionner qui elle est par son nom. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est impliqué et qui n'est pas nécessaire de le faire, dans ce cas-là, le mieux, c'est de ne pas mentionner le nom de la personne. Donc, ça veut dire que ce n'est pas interdit de mentionner le nom, hein, et ce n'est pas non plus une règle que tu dois toujours mentionner le nom. Ça dépend des situations et des circonstances et de la maslaha aussi, où est-ce qui est le plus grand bien. Et yani, parfois, c'est mieux de mentionner le nom, parce que sinon, ça va ramener des conséquences plus graves, et ça va égarer des gens. Et parfois, c'est mieux de ne pas le mentionner, justement, parce que ça va, de mentionner le nom, ça va ramener des conséquences plus mauvaises et plus graves. Donc, il faut retourner au ulama pour demander conseil et pour voir dans ces questions-là. Des fois, il y a des gens qui mettent en garde contre des individus qui sont des égarés, mais qui ne sont pas très célèbres, qui ne sont pas très connus, hein, et ils mettent en garde contre eux avec des grands titres et en mentionnant leur nom, et en agissant ainsi, ils les rendent populaires et les rendent célèbres. Parfois, ils veulent réfuter des gens, ils veulent mettre en garde contre des sites internet qui ne sont pas connus, qui ne sont pas visités par les gens, et ils vont prendre le lien de ce site et ils vont dire, prenez garde à ce site. Et c'est comme si, indirectement, ils sont en train de faire de la publicité pour ces gens de bid'ah et pour ces sites d'égarement. Ça, c'est ridicule et c'est complètement stupide d'agir de cette façon-là. Et c'est comme si tu veux faire un bien, mais tu fais du mal à la place. Donc, les frères et les sœurs, ils doivent faire attention, ils doivent arrêter d'agir ou de réagir par les sentiments et les émotions. Ils doivent agir avec intelligence aussi. Et c'est comme, par exemple, une fois, je me rappelle, il y a un kafir qui insultait l'islam et qui insultait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y a quelqu'un, on ne sait pas, peut-être c'est un musulman ou même peut-être c'est même pas un musulman, qui prend cette insulte et qui la diffuse aux musulmans en disant, oh, regardez ce qu'un tel dit contre l'islam ou contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il prend cette insulte et il la diffuse à tout le monde. Et c'est comme, peut-être que la personne, naïvement, son intention, c'est de dénoncer quelque chose, mais indirectement, il est en train de propager l'insulte contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qui ramène plus de mal. Donc, il faut utiliser quand même aussi le bon sens et réfléchir aux conséquences de nos actions, hein. Donc, il faut comprendre ici, alhamdoulilah, qu'est-ce que le cheikh explique. Que, comme on a dit ici, cheikh l'islam, surtout qu'à l'époque où cheikh l'islam Ibn Taymiyyah vivait, les gens de bid'ah, parmi les Asha'ira et les Maturidiyya et les gens de Kalam, c'est eux qui avaient la force, c'est eux qui étaient en puissance, c'est eux qui avaient les positions d'autorité, c'est eux qui étaient les juges, les imams des mosquées, et ainsi de suite. Et même les dirigeants étaient souvent des gens qui étaient sur la aqida des Asha'ira et des Maturidiyya et des gens de Kalam. Donc, Cheikh l'Islam est dans une position de faiblesse. Et il ne s'abstient pas, donc, quand même, il ne s'abstient pas de réfuter les gens de l'égarement et de la bid'ah. Il les réfute, mais avec sagesse. Donc, comme Al-Hamawiyya, par exemple, eh bien, c'est un livre qui réfute fondamentalement les Asha'ira et les Maturidiyya. Et la plupart de ses livres, c'est ça. Mais il ne les cite pas directement. Et tu vas voir que dans le livre, il ne les cite pas directement quand il les réfute. Pourquoi? Parce que s'il commence à dire directement, les Asha'ira sont des gens d'égarement, sont des gens de ci, sont des gens de ça, hein, eh bien, ça va être yani, certain qu'ils vont bannir tout ça, puis ils vont l'empêcher. Mais il ne les mentionne pas, mais il mentionne toutes leurs shubuhat et tous leurs égarements, et il les détruit complètement, du début jusqu'à la fin. Il massacre leurs shubuhat et leurs fondements et leurs bases d'égarements. Alors, eux, ils restent devant ces livres-là, et ils voient que Cheikh l'Islam, il critique les Jahmiya, il critique les Mu'tazila, et les shubuhat qu'il critique de ces gens-là, des Mu'tazila et des Jahmiya, sont les mêmes shubuhat que les leurs. C'est-à-dire, les shubuhat des Asha'ira et des Maturidiyya sont les mêmes shubuhat que les shubuhat des Mu'tazila et des Jahmiya. Alors là, ils sont pris dans l'embarras. Hein? Ils ne savent plus quoi, comment faire et comment réagir. Alors ils essaient de donner des problèmes à Cheikh l'Islam. Et justement, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a été amené en cours pour ce livre qu'il a écrit Al-Hamawiyya, Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Il a été amené en cours et il a eu plusieurs procès. Et même qu'il y a eu également des chouyours parmi les gens de Bid'a qui ont essayé de le réfuter, hein, qui ont essayé de répondre à ses explications. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a écrit même d'autres réfutations par la suite. Et il a plusieurs livres, hein, comme Talbis al-Jahmiyya ou Ar-Rad al-Jahmiyya et d'autres livres également de ces catégories-là. Et aussi même Jawab al-I'tiradat al-Misriya, il y a un livre qui s'appelle Jawab al-I'tiradat al-Misriya, c'est-à-dire la réponse aux objections égyptiennes, parce qu'il y, avait un cheikh de l'Égypte qui s'était objecté à Al-Fatwa Al-Hamawiyya et qui avait essayé de le réfuter. Donc, Ibn Taymiyyah a écrit une réponse à cette réponse que ce cheikh égyptien avait écrit, et il les a complètement écrasés dans ses arguments et dans ses preuves qu'il a ramenées du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs et la destruction des bases de ces gens d'égarement. Donc, on continue maintenant avec la suite de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc, il dit, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ. Donc, c'est à partir de maintenant, là, à partir de ce point, c'est là qu'il rentre dans l'argumentation et les preuves à propos des attributs d'Allah et à propos du fait qu'Allah est au-dessus de sa création. C'est maintenant qu'il va commencer à mentionner et énumérer toutes les preuves du Coran en premier, après il va mentionner les preuves de la Sunna, et après il va mentionner les paroles des salafs pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Hein? Et qu'il faut affirmer cette chose-là, et qu'il est au-dessus de sa création d'une manière qui lui convient, et d'une manière qui convient à sa grandeur, à sa majesté et à sa perfection, sans que ce soit d'une manière qui ressemble à sa création. Donc, alhamdulillah, il dit ici, إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي. أي نعم. Donc le cheikh il dit ici, donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on vient de mentionner, que يعني, ces gens-là sont des gens d'égarement et que leur voix est une voix d'égarement et que la voix des salafs c'est la vérité, et c'est là-dedans qu'il y a la clarification de la vérité. Donc si c'est le cas, il dit regardez dans le Coran, dans le livre d'Allah, du début du Coran jusqu'à la fin, et regardez dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin, puis regardez dans toutes les paroles des sahaba et des tabi'in, hein, puis regardez dans le reste des paroles des imams de la Ummah. Hein? C'est rempli de textes qui sont soit un nas ou soit un zahir, hein, et qui mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ali, que Allah subhanahu wa ta'ala est le Très-Haut, qui est au-dessus de tout. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Le Cheikh dit, « Al-Qur'an, mamlu'un bima huwa nas au zahir fi asma'illahi wa sifatihi. النص والنص هو الذي لا يحتمل غير معنى واحد وأما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر فيبقى على الظاهر حتى يرد ما يدل على خلافه. Donc le Cheikh explique, il dit, regarde dans le Coran au complet, le Coran est rempli de qu'est-ce qui est soit un nas ou soit un zahir à propos des noms et des attributs d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire An-Nas? Le Cheikh il dit An-Nas, c'est un texte du Coran ou de la Sunna qui ne peut impliquer qu'une seule signification. C'est un texte du Coran ou de la Sunna qui ne peut impliquer qu'une seule signification. On appelle ça An-Nas. Le pluriel c'est Nusus. Donc An-Nas, c'est un texte du Coran ou de la Sunna qui ne peut impliquer qu'une seule signification. Et al-zahir, qu'est-ce que ça signifie? C'est une signification, c'est un mot ou un terme qui peut impliquer deux significations, mais qu'une des deux est plus apparente que l'autre. Dans ce cas-là, il faut le laisser dans son sens apparent. Parce que al-zahir, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'est-ce qui est apparent. Donc, an-nas, c'est qu'est-ce qui peut vouloir dire uniquement une seule chose. Et al-zahir, c'est qu'est-ce qui est apparent. C'est-à-dire, il peut avoir plusieurs significations ou deux significations, mais une est plus apparente que l'autre. Dans ce cas-là, on le laisse dans son sens apparent jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne prouver le contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait un indice ou quelque chose qui ramène le contraire et qui prouve le contraire, c'est-à-dire qui prouve que ce terme-là ou ce mot-là est employé pour une signification autre que son sens apparent. Il faut une preuve pour ça. Sinon, tu es obligé de le laisser dans son sens apparent. Et c'est comme ça dans l'islam. Dans l'islam, on prend la révélation dans son sens apparent. Juste à moins qu'il y ait une preuve authentique qui prouve qu'on puisse faire sortir ce terme ou ce mot de son sens apparent vers un autre sens. Hein? Et ça, c'est qu'est-ce qui est clair. Donc, le Cheikh, il dit An-Nas yu'khadhu bihi, wala majal lil'uduli anhu. Amma al-zahir, fayubqa ala zahirihi illa iza dalla dalilun ala sarfihi an zahirihi ila al-ma'na al-akhar, fayu'khadhu bima dalla alayhi dalil. Donc, le Cheikh, il dit le Nas, on l'a dit, on doit le prendre. Le Cheikh dit le nas, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut impliquer, qu'est-ce qui peut vouloir dire uniquement une seule chose, une seule signification, ça on doit le prendre tel quel, et on n'a pas le choix de le prendre tel quel, on ne peut pas s'en aller vers autre chose, on n'a pas d'autres options, on ne peut pas s'en détourner. En ce qui concerne le texte qui est zahir, eh bien, il est apparent, on le laisse dans son sens apparent, excepté s'il y a une preuve qui prouve qu'on est à le faire sortir de ce sens apparent vers un autre sens. Et dans ce cas-là, on va prendre le sens qui est indiqué par la preuve. D'accord? Ça, c'est des règles. C'est des choses très importantes et ça fait partie des définitions qui sont mentionnées dans les livres qu'on trouve, comme les livres de Usul al-Fiqh. Ça, ces termes-là sont expliqués dans les livres de Usul al-Fiqh. Hein? C'est pour ça que Usul al-Fiqh, c'est très important. Parce que ça nous aide justement à pouvoir comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Hein? Et comme par exemple le livre de l'imam al-Shafi'i, c'est le premier qui a écrit sur ce sujet-là. Hein? Al-Risala de l'imam al-Shafi'i, il a écrit ce livre pour justement faire en sorte que les gens ne commencent pas à déformer le sens des textes. Ne commencent pas à jouer avec le Coran et la Sunna selon leurs passions et leurs désirs. Donc ici on voit l'exemple avec le terme an-nas et le terme al-zahir. Donc Ibn Taymiyyah, c'est ça ce qu'il dit. Il dit dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des Sahaba et dans les paroles des Tabi'in et dans les paroles des ulama de la Ummah, c'est rempli de preuves, de textes qui sont des nos, hein, qui sont des nusus, soit qu'ils ont un sens unique qui ne peut pas être autre que ce sens-là. Il y en a plein de textes comme ça qui prouvent ça, et il y en a plein parmi les textes qui sont apparents et qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ali et qu'il est au-dessus de toute sa création. Donc le Cheikh il dit Al-Qur'an mamlu'un bi anna Allah huwa Al-Ali Al-A'la. قال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى ووصف نفسه بأنه علي ووصف نفسه بأنه الأعلى وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى فوقهم بذاته فوق وفوقهم بقدره وفوقهم بقهره وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. Donc le cheikh il dit, le Coran il est rempli de preuves que Allah subhanahu wa ta'ala il est le très haut, hein, celui qui est au-dessus, Al-Ali, celui qui est haut, Al-A'la, le plus haut, hein, Al-Ali c'est le haut, celui qui est très haut et élevé, Al-A'la c'est celui qui est plus haut, hein, le plus haut. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 25 dans surat Al-Baqarah, « Wa huwa al-aliyu al-azim » C'est-à-dire, c'est lui le très haut, le très grand. Et il dit dans surat Al-A'la, le verset 1, « Sabbih isma rabbika al-a'la » Que soit glorifié le nom de ton Seigneur, le très haut, hein, ou le plus haut. Donc, ça c'est, le cheikh il dit, ça c'est la description que Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui-même en disant qu'il est Ali, c'est-à-dire qu'il est élevé, qu'il est haut, qu'il est au-dessus. Hein? Et il décrit sa personne également, il se décrit en disant qu'il est le plus haut, Al-A'la, au-dessus de ses créations. Au-dessus de ses créations. Et il dit, « وَهُوَ فَوْقَ مَخْلُوقَاتِهِ » Donc, au-dessus de ses créations. « فَوْقَهُمْ بِذَاتِهِ » Il est au-dessus d'eux par sa personne. Donc, sa personne est au-dessus de sa création. « فَوْقَهُمْ بِقَدْرِهِ » C'est-à-dire, par son statut, par sa valeur, il est au-dessus d'eux. Par sa valeur, par son statut, il est élevé. Et « فَوْقَهُمْ بِقَهْرِهِ » Et il est au-dessus d'eux par sa puissance et par sa contrainte, hein, sa puissance contraignante. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, le verset 18 dans sourate Al-An'am. Donc il est celui qui est le contraignant au-dessus de son serviteur. Hein? Donc le cheikh il dit fal'ulu lahu thalath ma'anin ou lahu thalathat ma'anin. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وأهل الحق يثبتون المعاني الثلاثة كلها لله وعلو الذات علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وأهل الضلال ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. Donc le cheikh explique que la signification de al-ulu elle est de trois. Ulu al-Zat, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala par sa personne est au-dessus de tout. Ulu al-Qadr, c'est-à-dire que par sa force et par sa grandeur et par sa valeur, il est au-dessus de tout. Donc il est haut en valeur et il est haut en puissance, hein, et au-dessus de sa création par sa puissance et par sa contrainte et par sa force. Donc les gens de la vérité, c'est-à-dire Ahlul Sunnah al-Jama'ah, al-Salafiyoun, eux, ils affirment les trois significations. Ils les affirment toutes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il est élevé en sa personne, qu'il est élevé en sa valeur et en sa grandeur, et qu'il est élevé en sa force. Donc, ça c'est l'affirmation des gens de la vérité. Ils affirment les trois significations. Tandis que les gens de l'égarement, parmi les جهمية للمعتزلة للشاعرة للماتريدية جاكي ني les attributs d'Allah et qui nie que Allah est au-dessus de sa création, eh bien eux ils nient justement le fait que Allah soit élevé par sa personne ou en sa personne, et ils affirment uniquement la force hein, et la, le statut ou le statut élevé d'Allah ou bien la, yani, la force ou la contrainte d'Allah. Ils affirment uniquement ce sens-là. Hein? Donc ça, c'est une déformation et une négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur part. Et non. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit « فوق كل شيء وعلي » Donc il dit, donc il y a des preuves qu'Allah est au-dessus de toutes choses. Après il dit « فوق كل شيء وعلي على كل شيء » وأنه فوق العرش. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Ibn Taymiyyah? Il dit Allah est au-dessus de tout, il est élevé sur tout, et il est au-dessus de son trône. Il est au-dessus de son trône, au-dessus du trône. Naam, Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit وهو فوق كل شيء كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده وصف نفسه بأنه فوق عباده والفوقية معناه فوقية الذات فهو بذاته سبحانه فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته ولهذا قال السلف بائن من خلقه. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que lorsque Ibn Taymiyyah dit ici que Allah est au-dessus de toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est au-dessus de toute chose, et il mentionne les preuves du Coran à ce sujet-là, comme le verset 50 dans surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Et ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux. C'est-à-dire, il parle des anges. Hein? Il dit que les anges craignent leur Seigneur au-dessus d'eux, de par au-dessus d'eux. Donc, il mentionne le verset 18 dans surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il est le contraignant au-dessus de son serviteur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit ici comme étant au-dessus de son serviteur. Et le fait d'être au-dessus, ça signifie qu'il est au-dessus par son être, hein, par sa personne, qu'il est au-dessus yani, de son serviteur, hein, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça aussi dans le verset 61, dans surat Al-An'am, il dit... Et il est le contraignant au-dessus de son serviteur, et il envoie sur vous des gardiens, hein, parmi les anges. Donc ça, c'est des preuves. Et pourtant, les gens de Bid'a, hein, les gens de Bid'a, parmi les gens qui nient les attributs d'Allah, comme les Asha'ira, les Maturidiyya, les Ahbash, et les autres catégories de ces gens d'égarement-là, eux, ils nient ça. Hein, et ils disent... Laysa lahu jiha ou laysa fi jiha. Ils vont dire Allah n'est pas dans une direction. On n'a pas le droit de dire qu'il est dans une direction. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il est au-dessus. Et il dit lui-même qu'il est au-dessus. Fawq, hein? Et donc al-fawqiyya, c'est pas quelque chose que on a inventé ou que Ibn Taymiyyah a inventé ou que les Wahhabiyya, comme ils nous appellent des Wahhabiyya, c'est pas des choses que les Wahhabiyya ont inventé. C'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il mentionne dans le Coran. Le verset 50 dans surat Al-Nahl, le verset 18 dans surat Al-An'am, le verset 61 dans surat Al-An'am. Hein? Tout ça c'est des versets dans le Coran. Et les salafs hein, l'ont compris et l'ont expliqué tel quel. Donc Cheikh al-Islam, Cheikh Al-Fawzan il dit ici, « Laysa fi dhatihi shay'un min makhluqati. » Donc il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas en Allah, il n'y a pas en l'être d'Allah aucune de ses créatures, il n'y a pas dans les créatures aucune chose de l'être d'Allah. Hein? C'est-à-dire, il n'y a pas, en Allah, il n'y a pas de créature, et en les créatures, il n'y a rien d'Allah. C'est-à-dire que les deux sont séparés. Allah subhanahu wa ta'ala est totalement séparé de sa création. Il ne se mélange pas avec sa création. Il n'est pas mélangé avec sa création. Hein? Et ça, c'est une parole des salafs qui est rapportée dans, yani, dans plusieurs livres, dans, la, dans les livres des salafs. Yani, dans les livres des salafs, comme il est mentionné dans Tabyin Kazib al-Muftari de Ibn Asakir, et dans Sharh al-Nuniyya de Ibn Isa, et dans Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, et dans les livres des salafs aussi, les citations de Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres également. Donc il dit, il est séparé de sa création. Ba'inun min khalqihi. Donc le shaykh explique, il dit ba'inun yani munfassil. ليس في ذاته شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان تعالى الله عما يقولون. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est séparé de sa création, c'est-à-dire munfasil, il n'a aucune connexion ou relation directe avec sa création. Il n'est pas en sa création et sa création n'est pas en lui. Hein? Il n'y a rien de sa création en lui et aucune part de lui-même en sa création. Et ça, c'est une réfutation de ce qu'on appelle al-hululiyya, ceux qui disent que Allah est en toute chose et en tout lieu. Hein? Quand tu leur demandes où est Allah, ils disent il est partout. Et ça c'est kufr, et ça c'est shirk. Non, Allah il n'est pas partout. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Il n'y a rien de la création qui est en Allah, et il n'y a rien d'Allah dans la création. Ça c'est fondamental, et ça fait partie des fondements du tawhid. D'accord. Et il y a deux positions chez les, ça, on retrouve cette parole chez les Jahmiya, parce que chez les Jahmiya, il y a les Jahmiya al-Hululiyya et il y a les Jahmiya al-Mu'attila. Il y a ceux qui disent, si tu leur demandes où est Allah, ils vont te dire Allah il est dans aucun endroit, c'est-à-dire il n'est nulle part, hein? Et si tu leur demandes à ce sujet-là, ils te disent ça. C'est comme les Ahbash par exemple. Les Ahbash font partie des Mu'attila, hein? Ils nient complètement l'existence d'Allah sans même s'en apercevoir, parce qu'ils disent que Allah, hein, est dans aucun endroit, et dans le sens que ils disent il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas devant, il n'est pas derrière le monde, il n'est pas en haut du monde, il n'est pas en bas du monde, il n'est pas devant le monde, il n'est pas derrière le monde, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde, hein? Il n'est pas dans sa création. Il n'est pas au-dessus de sa création, il n'est pas en dessous de sa création, il n'est pas devant sa création, il n'est pas derrière sa création, il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. Les ulama, ils ont répondu à ça en disant, si vous dites ça à propos d'Allah, eh bien ça veut dire que vous avez comparé Allah subhanahu wa ta'ala au néant. Vous avez comparé Allah subhanahu wa ta'ala au néant, à ce qui n'existe pas en fait. Pourquoi? Parce que si je te demandais de décrire le néant, de décrire ce qui n'existe pas, eh bien tu ne pourrais pas ramener une description plus complète que cette description-là que tu as donnée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Subhanallah. Donc l'imam Ahmed, quand il a réfuté les Jahmiyyah, c'est cet argument-là qu'il a mentionné. Il leur a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala... avant que Allah subhanahu wa ta'ala crée le monde, ou crée la création, eh bien, soit qu'il l'a créé en lui-même, ou soit qu'il l'a créé à l'extérieur de lui-même. C'est un des deux. Et si vous dites qu'il l'a créé à l'intérieur de lui-même, ça c'est kufr. Si vous dites qu'il l'a créé à l'intérieur de lui-même, ça c'est kufr. Parce qu'il n'y a rien en lui-même qui est créé. Et si vous dites qu'il l'a créé à l'extérieur de lui-même, eh bien ça c'est la vérité. Et c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Parce qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il est au-dessus de sa création. Donc ça c'est un argument clair pour réfuter ces gens-là. Et il y a l'autre catégorie de ceux qu'on appelle Al-Hululiyya. Hein? C'est ceux qui ne disent pas qu'Allah est nulle part, ils disent Allah est partout. C'est le contraire, mais c'est la même signification. Hein? C'est comme le panthéisme. Ceux qui disent le Dieu est tout et tout est Dieu. Comme la aqidah de Wahdatul Wujud. La aqidah des soufis, comme Ibn Arabi. Ibn Arabi et Al-Hallaj et d'autres également. Parmi la plupart des Turcs soufis, ils croient tous en Wahdatul Wujud. Que tout ce qui existe est Allah et que Allah est tout. Et qu'on ne doit pas distinguer entre le Créateur et la créature. Hein, qui a une seule existence et que c'est Allah. Et que les créatures font partie d'Allah. Et que le Créateur est la créature et la créature est le Créateur. Les deux sont la même chose. Donc c'est la même, ça c'est la croyance de ce qu'on appelle Al-Hululiyya aussi. On l'appelle Wahdatul Wujud, on l'appelle aussi Hulul. Et il y a deux catégories de Hulul. Hulul Khas et Hulul Am. Et c'est justement Hulul Al-Am, c'est la Wahdatul Wujud. Et Al-Hulul Al-Khas, c'est ceux qui disent parmi les soufis, par exemple, que Allah il peut se mélanger à certaines des créatures. Hein, parmi les êtres pieux, parmi les hommes pieux, ils deviennent un avec Allah. Hein? Et ils ont d'autres termes qu'ils utilisent comme al-fana, hein? Le fait de se dissoudre en Allah. Ils croient que, à force de faire beaucoup de zikr, beaucoup de ibadat, beaucoup de, hein, de rester isolé dans des cavernes ou dans des grottes ou dans des monastères pendant longtemps, pas manger, hein, puis de faire du zikr seulement. Ils atteignent un état d'extase, ils deviennent un avec Allah. Ils se confondent avec Allah. Hein? Ça, c'est dans leur livre, tu retrouves plein de délires comme ça. Donc ça, c'est des exemples. Les deux positions extrêmes sont des positions d'égarement et de kufr. Ceux qui disent qu'Allah est partout, hein? Ça c'est du kufr. Et ceux qui disent qu'Allah est nulle part et qui nient l'existence d'Allah indirectement en disant que il n'est pas à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur non plus, et bien ça c'est aussi des kuffars parce qu'il nie, hein, il nie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la position de ces mu'attila. Donc nous on dit, qu'est-ce que Allah a dit? Que Allah est au-dessus. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, fauq. Hein, fauqa makhlouqatihi. Ba'inun min khalqihi. Hein, wa laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien comme lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan? Il dit, donc il explique la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit « Wa annahu fawq al-arsh » Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Il dit « Al-arsh huwa saqf al-makhlouqat, wa huwa a'la al-makhlouqat, wa a'zamu al-makhlouqat. Wallahu subhanahu wa ta'ala fawq al-arsh, wa fawqiyatun taliqu bijalalihi. » ليست كفوقية المخلوق على المخلوق فلا يقال إنه محتاج للعرش بل الله فوق العرش وليس محتاجا إليه بل العرش هو المحتاج إلى الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فالسماوات والأرض والعرش والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله وأما هو وأما الله فهو غني عنها وليس معنى أنه على العرش أو استوى على العرش أنه محتاج إليه بل العرش هو المحتاج إلى الله لأنه مخلوق والله هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض. Donc ça c'est un point très important. Le cheikh explique que Al-Arsh, le trône, c'est le toit des créatures. C'est la plus haute des créatures et c'est le toit des créatures. Et le cheikh explique que c'est la plus haute de toutes les créations. Et la plus grande également. C'est-à-dire que c'est la plus grande de toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône d'une manière qui convient, hein, d'une manière qui convient, qui est convenable à sa majestuosité. et à sa grandeur. Et ce n'est pas, lorsqu'on dit qu'il est au-dessus, ce n'est pas comparable à deux créatures lorsque l'une est au-dessus de l'autre. Donc on ne dit pas, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de son trône. Parce que les êtres humains sur la terre, si quelqu'un monte sur un trône, eh bien, c'est parce qu'il a besoin de ce trône-là pour le supporter. Mais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Et vous allez voir, par exemple, les ahbash, quand ils parlent, par exemple, de cet aspect-là, eh bien, ils vont toujours parler des salafis, et qu'ils appellent eux des wahhabiyas. Donc, ils vont toujours les appeler pour essayer de nous faire passer pour des gens qui font ressembler Allah à sa création. Hein, ils vont dire qu'on est des anthropomorphistes parce qu'on affirme ce que Allah a affirmé. Allah, c'est lui qui mentionne dans plus de 7 versets dans le Coran qu'il est au-dessus de son trône. Ar-Rahman ou ala al-Arsh istawa. Hein? Thumma istawa ala al-Arsh. Ça, c'est des versets clairs dans le Coran. Hein? Donc, ils essaient de nous prétendre ou de dire qu'on est des anthropomorphistes parce qu'on affirme ces versets-là. Donc, nous, on dit non, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et Allah, quand il est au-dessus de son trône, il n'est pas au-dessus de son trône de façon qui se comparerait à une créature lorsqu'elle est au-dessus d'une autre créature. Plutôt, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, mais il n'a aucun besoin de ce trône. Et il est au-dessus du trône sans avoir aucun besoin de ce trône. C'est plutôt le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset 41 dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui signifie « Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas ». Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient les cieux et la terre pour ne pas qu'ils tombent. « Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih » Et s'ils s'affaissaient, s'ils tombaient, nul ne pourrait après lui les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Donc ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient les cieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient les astres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui retient toute la création. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui retient l'arche. Hein, pour ne pas qu'il tombe. Donc, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a besoin du trône. C'est le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que les cieux, la terre, le trône et toutes les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghaniyun anha. C'est-à-dire, il se passe complètement de ces créatures-là. Il n'en a aucun besoin. Il est riche et il se suffit à lui-même. Donc, le cheikh, il dit, le fait qu'on dise que Allah subhanahu wa ta'ala est sur le trône, hein, au-dessus du trône, eh bien, ça, comme il dit lui-même dans Surat Al-A'raf, le verset 54, Istawa ala al-Arsh, eh bien, ça ne veut pas dire du tout que Allah a besoin de ce trône. C'est le contraire, comme on l'a dit. C'est le trône qui a besoin d'Allah. Parce que le trône est créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il retient le trône. Et il retient les cieux, et il retient la terre. D'accord? Donc ça, c'est important. Et en même temps aussi, je voulais mentionner justement, parce que c'est Ahbash et les Sha'ira et les autres, quand ils vont parler des gens de Ahl Sunnah, les Salafiyin, qu'eux, ils appellent des Wahhabiyya anthropomorphistes et ainsi de suite, eh bien, ils disent que nous, on dit que Allah s'est assis sur le trône. Et ils font exprès d'utiliser ce terme-là que nous, on n'emploie pas. Parce qu'en arabe, on ne dit pas jalasa dans le Coran. Le terme jalas, c'est ça qui veut dire s'asseoir. C'est pas ce terme-là qui est employé dans le Coran. Le terme qui est employé dans le Coran, c'est istawa. Hein, istawa, qui veut dire s'élever, et de monter au-dessus de quelque chose, mais qui ne veut pas dire s'asseoir. Donc le terme jalas, nous on ne l'emploie pas. On se limite aux termes qui sont mentionnés dans la révélation. Donc eux ils nous accusent de ça, mais nous on se limite, hein, on se limite à qu'est-ce que les versets et les hadiths ont mentionné. Même si parfois certains salafs ont peut-être utilisé le terme jalas dans un sens que eux ont voulu donner, qui est bien entendu sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, mais il est toujours mieux et toujours préférable de se limiter hein, et c'est ça qu'on doit faire, se limiter à ce qui est mentionné comme terme dans la révélation et de ne pas innover ou de ne pas ajouter ou amener des termes qui ne se trouvent pas dans la révélation pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs. Donc, ayant dit ça, on va s'arrêter ici. Et là, dans la suite des cours, inshallah, vous allez voir maintenant comment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ramène les arguments et les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et il réfute les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Ahbash et toutes ces différentes sectes d'égarements comme les Ibadiyya et autres qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces différentes questions-là. Donc c'est un très grand livre, Al-Fatwa, Al-Hamawiyya, Al-Kubra, vous allez voir. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khayran. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.